بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام في كتاب الصلاة باب الصفوف. Nous continuons donc le livre de la prière, le chapitre des rangs, le cours numéro 24. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا لأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que sa grand-mère Mouleika, donc la grand-mère de Anas, Mouleika, a invité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour un repas qu'elle avait préparé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de ce repas. Puis il a dit: levez-vous afin que je puisse prier pour vous. Anas a dit: nous nous sommes alors levés. Oh, excusez-moi, je me suis alors levé vers un hasir, donc le petit tapis, donc que j'ai déjà cité plusieurs fois, le petit tapis en paille ou donc qu'on peut aussi faire avec des branches, donc un petit tapis, et il a dit que ce tapis était devenu noir tellement il était resté longtemps au même endroit. Anas il dit fenandartuhu, alors je l'ai aspergé avec de l'eau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est placé dessus. Je me suis alors rangé, moi et l'orphelin derrière lui, non, moi et l'orphelin, donc c'était un enfant, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la femme âgée, c'est-à-dire sa grand-mère, Mouleika, la femme âgée, derrière nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc accompli pour nous rakatayn, puis, donc, il est parti. Fi hadha al-hadith, tawadu'u an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, حيث كان يجيب الدعوة. Il y a dans ce hadith le caractère humble du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il répondait aux invitations. ففيه فضل دعوة أهل الخير والفضل. Il y a dans ce hadith les mérites quant au fait d'inviter donc les gens de bien et les gens de mérite. وفيه أيضا أن أهل الخير والفضل يجيبون. Il y a aussi dans ce hadith le fait que les gens de bien et de mérite vont répondre à l'invitation. Ils vont répondre à l'invitation de ceux qui l'ont invité. وفي هذا الحديث جواز النافلة جميعا أو جماعة. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis d'accomplir les prières surérogatoires en groupe. Les prières surérogatoires, on peut les faire en groupe, comme cela est cité dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a prié avec Anas et donc l'enfant donc qui était orphelin et sa grand-mère derrière. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qumu li usalli lakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit levez-vous afin que je puisse prier pour vous. Dhakara al-ulama an al-muta'abbid قد يقوم بعبادة لله فقط. Les savants, ils ont cité que celui qui va adorer Allah, celui qui va faire un acte d'adoration, il se peut qu'il fasse cet acte d'adoration spécifiquement pour Allah, que pour Allah. وقد يقوم بعبادة لله قاصدا تعليم الناس. Et il se peut que cette personne fasse cet acte d'adoration pour Allah, toujours pour Allah, mais avec intention d'enseigner aux autres. avec intention d'enseigner aux autres. Tu vas faire ta salat, tu vas réciter le Coran. Tu récites le Coran pour Allah, mais aussi pour que les autres puissent apprendre la récitation du Coran. Il se peut que tu pries pour montrer aux gens donc comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et donc tu as cette double intention, le fait de faire cet acte pour Allah et aussi d'enseigner aux autres comment prier correctement, comment réciter correctement, etc. etc. وفي هذا الحديث أن الصبيان يصفون في الصف مع الرجال. Il y a dans ce hadith le fait que les enfants, ils se mettent dans les rangs avec les hommes. Avec les hommes. Pourquoi? Parce que ici, Anas, il était dans le rang avec l'enfant. Anas ibn Malik, il était dans le rang avec l'enfant. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. Et les savants ont divergé sur ce sujet. يرحمك الله. أكثر أهل العلم على أن صف الرجال يقدم على صف الصبيان. La majorité des gens de science, ils voient que le rang des adultes, des hommes, il est devant le rang des enfants. Et donc, les enfants ne prient pas avec les hommes. Leur preuve en cela. Premièrement, ma akhrajahu Abu Daoud wa Ahmed fil Musnad an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu salla bi qawmihi thumma qala lahum ala usalli lakum salata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc parmi leurs preuves, il y a le hadith qui est donc dans le recueil de Abu Daoud ainsi que le Musnad de l'imam Ahmed selon Abi Malik al-Ash'ari qui priait avec son peuple et qui leur a dit ne puis-je pas prier avec vous de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Fais soffer rijal thumma soffel wildana khalfar rijal thumma soffel nisa a khalfal wildan. Alors il a placé les enfants, les adultes, les hommes en rang, puis les enfants en rang derrière les hommes, puis les femmes en rang derrière les enfants. Derrière les enfants. Wa hadha al-hadith da'if. Et ce hadith, il est faible. Quand da'afahu Cheikh al-Albani rahimahullah, Cheikh al-Albani, il a donc jugé ce hadith faible. Li anna fi isnadihi Shahr ibn Hawshab. Dans la chaîne de transmission du hadith, il y a donc Shahr ibn Hawshab qui lui est faible. Ses narrations ne sont pas fiables. Et à cause de cela, le Cheikh al-Albani l'a jugé le hadith faible. وَكَذَلِكَ مِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. Parmi leurs preuves, il y a le hadith qu'a cité l'imam Muslim dans son recueil, dans son sahih, selon Abi Mas'ud, radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et donc le hadith dans Sahih Muslim selon Abi Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alignez-vous dans les rangs et ne divergez pas en cela, afin que, et sans quoi vos cœurs vont diverger. Et que prient derrière moi, et que se mettent derrière moi ceux qui sont dotés du discernement et de la raison, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. وَكَذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِي عن قيس بن عباد قال بينما أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيْ بْنُ كَعْبٍ قَالَ يَا فَتَى لَا يَسُؤْكَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا أَنَّ لَهُ. Le deuxième hadith, du moins le troisième, cette fois-ci, excusez-moi, le hadith rapporté par An-Nasa'i dans son recueil, selon Qays ibn Ubad, qui raconte une histoire lorsqu'il était enfant. Il dit: alors que j'étais à la mosquée, au premier rang, As-Saful Muqaddam. Alors, quelqu'un, un homme est venu derrière moi et m'a tiré. Il m'a tiré par derrière. Et il m'a écarté et a pris ma place. Par Allah, ma akaltu salati. Je n'étais pas concentré pendant la prière. Par Allah, je n'étais pas concentré. Tellement ça l'a touché de se faire donc écarté du rang comme ça. Alors, lorsque cet homme a fini la prière, j'ai remarqué que c'était Ubay ibn Ka'b, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ubay ibn Ka'b. J'ai remarqué que c'était Ubay ibn Ka'b. Et il a dit: oh Fata, oh jeune enfant, qu'Allah te préserve de tout mal. Certes, ceci est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers nous, que nous devons être derrière lui. C'est-à-dire, nous devons être derrière l'imam. C'est-à-dire, nous les hommes, etc., nous devons être derrière l'imam. Taïb. Amma al-qawlu al-thani wa huwa anna as-sibyan yusalluna fi as-saffi ma'a ar-rijal. Le deuxième avis, c'est que les enfants vont prier dans les rangs avec les hommes. Wa min adillatihim hadith Anas hadha fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yu'akhir as-sabi wa tarakahu fi as-saffi ma'a Anas. Parmi leurs preuves, il y a le hadith de Anas qu'on a vu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé l'enfant prier à côté de Anas et il ne l'a pas fait reculer. Et donc cela montre que les enfants peuvent prier avec les adultes. Bien entendu, quand on dit les enfants, on parle des enfants qui raisonnent, des enfants qui sont capables d'être concentrés pendant la prière, etc. Pas des enfants qui vont jouer. Ça, c'est autre chose. Les enfants qui sont capables d'être concentrés, qui savent ce qu'ils font. On parle de ces enfants-là. Wa aidan istadallu bi ahadith kathira bil ahadith al kathira allati fiha anna ibn Abbas kana yusalli fi as-saff ma'a al-muslimin. Ils se sont aussi basés sur les nombreux hadiths qui montrent que Ibn Abbas, il priait dans les rangs avec les musulmans. Alors que Ibn Abbas était un enfant. Ibn Abbas était un enfant. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان. On a déjà parlé de ce hadith. Al-Bukhari selon Ibn Abbas رضي الله عنهما qui dit: je suis arrivé alors que j'étais sur un âne, alors que j'étais donc sur la femelle de l'âne. وأنا يومئذ قد ناهدت الاحتلام. Et ce jour-là, à ce moment-là, je m'étais rapproché, j'étais proche de la puberté. Il n'était pas encore pubère. Il dit: j'étais proche de la puberté. Nahartu l'ihtilam. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimina ila ghayri jidar. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait à Mina sans qu'il y ait de mur devant lui. Ce qui était voulu par là, je vous ai déjà dit, ce qui est voulu ici, c'est la sutra. Il n'y avait pas de sutra devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِّ بَعْدِ الصَّفِّ. Alors, je suis passé devant une partie du rang. وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعْ. Et j'ai envoyé l'âne, donc, paître, et donc se balader. فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ. وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. Et je suis rentré dans le rang et personne ne m'a blâmé. Je suis rentré dans le rang et on ne m'a pas reproché cela. أَمَّا الْحَدِيثَانِ أَلَّذَانِ اسْتَدَلَّ بِهِمَا الْقَائِلُونَ بتأخير الصبيان فالمراد منهما أن المكان الذي هو خلف الإمام مباشرة هذا المكان للنهى ابتداء. Et donc, en ce qui concerne les deux hadiths sur lesquels se sont appuyés ceux qui disent que les enfants ne peuvent pas prier avec les enfants, alors les savants ils disent ce qui est voulu par là, c'est que cet endroit, l'endroit qui est que les enfants ne peuvent pas prier avec les adultes, donc ce qui est voulu par ces deux hadiths-là, c'est que l'endroit qui est juste derrière l'imam, dans le rang, dans le premier rang, cet endroit qui est juste derrière l'imam, c'est pour donc les donc ceux qui ont le discernement, etc., ceux qui peuvent donc faire le tanbih, ils peuvent donc attirer l'attention de l'imam lorsque celui-ci se trompe. Ils peuvent remplacer l'imam pendant la prière si l'imam a besoin qu'on le remplace pendant la prière, etc. Et donc, c'est ça qui est voulu par là. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, j'ai même lu un passage de lui où il parlait, il reprochait certains adultes qui se mettaient là. Il reprochait certains adultes qui ne connaissaient pas. Il dit, pourquoi ils se mettent là? Il dit, cet adulte-là, malgré son âge, il est plus en droit qu'on fasse avec lui la même chose que Ubay ibn Ka'b a fait avec l'enfant. Alors que c'est un adulte. Et donc, ce qui est voulu par là, ce n'est pas spécifiquement donc les enfants. Non, il n'est pas voulu par là que les enfants ne prient pas au premier rang, mais ce qui est voulu par là, c'est qu'ils ne vont pas prier directement derrière l'imam. La place, donc les places qui sont directement derrière l'imam. Mais on va donc les écarter un peu. وكذلك في إدخال الأولاد في الصف بين الرجال فوائد. Dans le fait de laisser les enfants prier dans le rang avec les adultes, il y a énormément de bienfaits à cela. فإن الأولاد لو تركناهم فيما بينهم يلعبون في الصلاة. Les enfants, si on les laisse entre eux, comme ça arrive le samedi, dimanche, ils jouent entre eux, ils jouent ensemble pendant la salat. Ils jouent ensemble pendant la salade, des coups de pied à droite, à gauche, etc. Tandis que voilà qu'in law sallu bayna ar-rijal, s'ils se mettent entre les hommes, un enfant, un adulte, ils vont rester tout droit pendant la salade. Du début à la fin, ils vont rester tout droit. Fasiyata'allamun, ils vont apprendre, sayurakkizun, ils seront concentrés pendant la prière. Et donc ça c'est important. C'est très important, mais bien entendu, ici on parle des enfants qui comprennent et qui peuvent être concentrés, etc. Enfin, un sujet important qu'il y a dans ce hadith, que je voulais traiter aujourd'hui, mais que après je me suis dit non, ça va faire trop long, ça fait déjà 18 minutes, on va le traiter la semaine prochaine, inshallah ta'ala, un sujet très important, la place de la femme. Est-ce que la femme, elle peut prier dans les rangs avec les hommes ? Comme le prétendent certains, ou encore pire, est-ce que la femme, elle peut être imam? On va répliquer à tout ça, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. On va citer leurs preuves et répliquer à cela. Le texte, il est déjà prêt, il y aura juste à le lire, inshallah. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa arda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fikum barakatuh.